Les journaux, agences de presse, radios et revues d'internet de divers pays comme Russie, Népal, Inde, Venezuela, Japon, Égypte, France et Grande-Bretagne ont rapporté du 1er au 3 mai la communication du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée qui proclame la volonté inébranlable des militaires et civils coréens de déjouer les manœuvres frénétiques de provocation d'une guerre nucléaire des États-Unis par la puissante dissuasion nucléaire et de défendre sûrement la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et du reste du monde.